Il y a l'univers, mon village, où le sang et l'horreur tapissent le décor. L'injustice et les races, les vivants qui ont peur. Les bombes et les flammes, les enfants et les femmes. Le soleil dans l'ozone, la mer qui a monté. La faim, la soif et les tyrans qui prient. Il y a ce continent, ma rue, où le luxe et le fric tapissent le décor. L'injustice et les races, les bateaux qui ont coulé, les cadavres et les flots, les enfants et les plages, le soleil barbelé, la mer ensanglantée, les camps de rétention, l'Eldorado, la mort et les élus qui dictent. Il y a ce pays, ma maison, où l'indifférence tapisse le décor, l'injustice et les races. Les jeux de tous les rôles, les menaces et les peurs, les enfants qui mendient, le soleil asséché, la mer et les falaises, les ravines du temps, les ghettos, le silence et l'avenir offert à l'extrême caché. Il y a cette porte qui restera ouverte, devant laquelle un banc où je te blottirai pour ne plus avoir froid. Il y a cette table couverte de papier où nous ferons un monde qui nous ressemblera et un couvert de plus. Il y a ce lit au bout de tant d'horreurs où je caresserai à en perdre le temps, à en frôler le beau, à me trouver en toi, me poser un instant tout dans le chaud de toi, croire encore en demain. J'écris, je marche, je ne fais plus que ça. On va venir bientôt fouailler mes entrailles. Au cœur, puisqu'il paraît, dit-on, que là est le génie. J'aurais peut-être dû juste un peu moins aimer. Simplement maîtriser, me dit-on, ou relativiser. Je ne saurais jamais ce que sont les sang-froids. Je ne pourrai jamais. Puisqu'aimer c'est donner, je donnerai encore, le temps fera le reste, je vais me réparer. Dans le temps de la pause des mains et de la tête, je te ferai des signes. Et très vite, bientôt, le cœur suivra les pieds, quand écrire et marcher sont battements d'aimer. Je ne vais pas changer. Portrait numéro 34. Hôpital, silence. Dès l'arrivée, on lui avait mis tout autour du poignet un bracelet plastique portant nom, prénom, date de naissance et une série de chiffres, comme on le fait des nouveau-nés à la maternité. À chaque étape de ses pérégrinations entre les services, on lui demanderait toutefois de répéter nom, prénom et date de naissance. Il s'était senti pris en main, pris en charge. À toute étape, et pour son bien, il n'en doutait pas, on lui dirait que faire. Il parcourrait les couloirs en lit, couché ou en fauteuil, alors qu'il était venu à pied. Il avait demandé à faire ses courtes distances sur ses jambes. En vain, il ne fallait pas qu'il se fatigue. Il n'osa pas les contrarier. En fin de jour, ayant compris, en grand bébé, qu'il était atteint d'un mal grave, sérieux, il fut saisi par la tentation de se laisser aller entre leurs mains, de se laisser mener, perturbé qu'il était par tant de blessures diverses, ému qu'il en était à vouloir à tout prix se faire câliner, surtout quand il eut mal, vraiment, et jamais sans le dire. Dans un sursaut réflexe, lui qui disait toujours qu'il voulait mourir debout et non jamais couché, encore moins en dépendance, il se mit à parler et à poser questions, revendiquant tout doux son droit à son destin et à le maîtriser. Après de grands silences et un plein de surprises, on se mit à répondre à ce qu'il demandait, à le féliciter d'oser la différence, comme un soulagement partagé. Et en partant, sachant déjà qu'il reviendrait souvent, ici, ailleurs ou autre part, il dit à toutes et tous qu'ils étaient adorables, ce qui était totalement vrai, et qu'il les respectait pour leur foutu boulot et leur sacré sourire, qu'il n'avait lui aussi demandé une chose, une seule, se faire respecter et choisir son destin, marcher encore puisqu'il pouvait. En retournant au soir, en ses pénates tristes, il essaya en vain d'ôter le bracelet. La cisaille jardin, comme en un triste augure, en vint seule à raison. Je demeure ici désormais. L'île belle me fait fête en la tête. Je ne garderai rien du fracas de ces heures. Seul le beau, une femme et des oiseaux. Rien qui ne contrarie le cocon de mes rêves. Je vais passer le temps à me faire au soleil, écouter le silence dans le roulis des vagues, étendre mes envies entre rochers et dentelles, aller un peu plus loin et manger du melon. Ne rien laisser passer qui ressemble à la ville, un sauvage vivant en oubli du réel. Rester en ma demeure, vivre le jour, ce jour, en île. Un oiseau et la lune jouaient sur la portée. J'avais pris mon amour pour chanter le matin. Je n'avais plus que ça pour faire mélopée, comme on s'accroche aux lignes pour y poser des mots. Je l'aime, cette voix qui m'accompagne au jour, dans le tout fond de moi et dénoue les silences. Tellement harmonie. Les chemins en arrêt se font tout en lumière, fulgurances en silence, ombres tant bien mêlées au réveil de l'oiseau. On se rit le matin au plus près de l'aurore, on délaisse la route, les premiers châtaigniers mèneront au sapin, tout au sommet du mont, avec toujours au loin la chapelle du Saint. Un grand lac, un ruisseau, une chenille inquiète, un temps d'hésitation a flamboyé d'été sur les tapis de feuilles. Ce goût aux lèvres de l'eau sous le soleil, celui du vent au bord du cou en baiser frais du bout du soir, et finir en parlant du demain qu'il fera à regarder la brume entourer la maison, d'autres goûts sur les lèvres, l'âtre qui en rougeoie.